Assalam, qui est le fait de se passer assalam, de se passer salam entre musulmans. Notre religion, notre belle religion et notre législation parfaite, c'est la législation de toutes les règles de bienséance et de toutes les règles de politesse. C'est pour ça, dans cette religion, il nous a été enseigné le meilleur des comportements avec toutes les catégories de personnes. Avec toutes les catégories de personnes. Chacun selon sa situation et chacun selon son cas. Et il nous a été légiféré des règles de bienséance et de politesse depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endormes. C'est pour ça, c'est un domaine auquel il faut accorder le maximum d'importance. C'est un domaine très important et c'est un domaine très facile à maîtriser aussi. Car c'est des choses que tu vas pratiquer quotidiennement jusqu'à rencontrer Allah. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir un petit livre dans lequel il y a ces adabs qui sont légiférés par rapport aux différentes situations et de le lire quotidiennement dans ces différentes situations, et bien là tu finiras par tout mémoriser. Tu finiras par tout mémoriser. Ne te fatigue pas à mémoriser dès le départ, tels que Adhkar Sabah, Adhkar Al-Masa. Répète-les, si tu peux mémoriser du premier coup, bien évidemment, c'est meilleur. Mais si tu ne peux pas, ne sois pas embarrassé par cela. Commence à les lire dans le livre, et bien là, tu finiras par les mémoriser. Donc, le premier adab qu'il a cité, rahimallah, c'est salam. Se passer salam entre musulmans. Se passer salam entre musulmans. Nabi sallam dit dans le hadith authentique, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Vous n'entrez pas au paradis jusqu'à être des croyants. Le mécréant n'entre jamais au paradis. Et vous ne serez de véritables croyants jusqu'à vous aimer. Voulez-vous que je vous montre une chose? Si vous la faites, vous allez vous aimer les uns les autres. Passez-vous salam. De dire salam alaykoum à tout muslim, que tu le connaisses ou pas. Et parmi les signes de la fin des temps, c'est que tu vas passer salam uniquement aux gens que tu connais. Et il y en a, ils ne passent pas salam même à ceux qu'ils connaissent. Parce qu'ils n'étaient pas élevés dans salam ou pour une autre raison. La domination de Shaitan, même s'il sait qu'il faut le faire, mais il ne le fait pas. Et salam a beaucoup de mérite dans notre religion, se passer salam. Salam, c'est un nom d'Allah. Quand tu dis à un musulman assalamu alaykum, Allah il te donne 10 hasanat. Quand tu lui dis assalamu alaykum wa rahmatullah, 20. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30. Et il n'y a pas plus que ça. Wa maghfiratuh. Il y a des savants qui le jugent acceptable, d'autres le jugent faible. Donc, assalamu alaykum. Quand tu lui dis salam, c'est une dua que tu lui fais. Tu vois ton frère, dès que tu le vois, tu lui fais dua, tu lui dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu demandes à Allah de le préserver de tout défaut et de tout manquement. Aussi, al-bashasha. Al-bashasha, c'est la jovialité, la gaieté, le fait d'être souriant. Quand tu rencontres tes frères, rencontre-les avec un visage souriant et de ne rien mépriser du bien, même pas un sourire. Comme le Nabi sallam a dit: La tahqiranna bin al-ma'ruf shay'an walaw an talqa akhaka biwajhin taliq. Ne minimise rien du bien, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Subhanallah, regardez cette religion, wallahi, quand tu médites sur ce qu'ils appellent la psychologie de l'être humain, comment cette religion, elle a donné de l'importance à tous ces détails. Tu le vois, tu lui fais un sourire. Déjà, tu as fermé beaucoup de portes au shaytan. Et dès que tu te rapproches de lui, tu lui dis « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Et lui te dit « Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Et ça commence comme ça. Bien évidemment, ça c'est des causes pour augmenter l'amour entre croyants.